Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi ce 21 décembre 2024 et vous vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même DAB+, donc l'émission Angle d'attaque, proposée par les trois comités locaux d'attaque de la Lille, de la métropole lilloise. Donc ATTAC A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, Morgane, Ludovic, Christian et moi, Florent, à la réalisation. Et donc, Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Exactement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Très bonne question, merci de l'avoir posée. De Gaza et des conséquences, si on peut les imaginer, à ce jour-là. Un sujet dont on parle certes, mais pas encore assez selon nous, surtout dans les médias mainstream, où le parti pris est flagrant, des mainstream donne un peu la nausée pour qu'ils s'informent un peu plus sur le sujet. À ATTAC, nous avons choisi notre camp, et figurez-vous que ce n'est pas le même que les 10 médias mainstream des 10 milliardaires. Jeu de mots. Et celui qui nous accueille aujourd'hui, ce midi, a choisi le sien aussi de camp, et de plein engagement d'ailleurs, y compris sur le terrain. Il est le représentant de Première Urgence Internationale, celles et ceux qui n'ont pas été stoppés par une panne de métro jeudi soir n'ont pas pu assister au film Northerland que Anthony Dutemple a présenté. Anthony, merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise aussi donc que tu es membre des Amitiés Lille Naplouse, que nous saluons au passage, et de la LDH. Tu es donc en pays de connaissance ici, autour de cette table. Merci donc de te présenter un peu plus. Et un peu plus que ces trois cartes de visite, ouais, là, que j'ai dit. Et dis-nous surtout, quelle est cette organisation non gouvernementale dont j'ignorais jusqu'au nom avant d'être mis en relation avec toi? Merci. Et par Geneviève Carré, d'ailleurs, qu'on salue. Ouais. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, donc je suis travailleur humanitaire depuis une quinzaine d'années. Je travaillais donc avec Première Urgence Internationale. Première Urgence Internationale, c'est une ONG qui travaille dans une vingtaine de pays. Et donc j'ai travaillé en Afghanistan, en Irak, en Jordanie et en Palestine dernièrement. Donc j'étais en Palestine ces cinq dernières années. On travaille donc sur l'aide humanitaire d'urgence auprès des victimes civiles de conflits, de catastrophes naturelles. Et aussi tout ce qui est relance économique, santé mentale, santé mère-enfant. Surtout. Ah oui. Donc voilà, ces cinq dernières années, donc, j'étais en Palestine, je suis rentré de Palestine il y a un an. En Palestine, Première Urgence Internationale est opérationnelle depuis plus de 20 ans, sur place, avec des bases humanitaires à Naplouse, Ramallah, Jérusalem, Hébron et Gaza également. Gazaville alors? Oui, Gazaville, sachant que tout le territoire de la bande de Gaza est couvert par l'aide humanitaire de Première Urgence Internationale, avec des activités à Ran Yunis, à Rafah, à Beit Hanoun, Beit Laya, au nord, enfin voilà, sur l'ensemble de la bande de Gaza. En Palestine, il y a deux piliers. Il y a un pilier urgence pur, où l'ONG, donc on a une cinquantaine de collègues palestiniens sur place. Actuellement, j'ai 12 collègues palestiniens qui sont toujours dans la bande de Gaza, qui, on en reparlera, hein, mais qui ont été déplacés en moyenne 6 à 7 fois depuis plus d'un an. Et donc, un pilier urgence où on vient en aide aux victimes de la violence des colons sur l'ensemble de la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est incluse. Donc, c'est les équipes de première urgence qui sont tout de suite, qui interviennent tout de suite après les attaques, donc ouais, opérationnelles. Donc, on a un système d'alerte avec les communautés, avec les villageois. Et donc, grâce à ce système d'alerte, les collègues peuvent intervenir. Notre objectif, c'est de s'assurer que les Palestiniens puissent rester, vivre et travailler sur leur terre, particulièrement en zone C, et on en reviendra aussi. Zone C, c'est 60% de la Cisjordanie occupée, qui est 100% sous contrôle israélien. C'est là où se trouvent les colonies illégales qui grossissent, qui grandissent en toute impunité depuis des années. Et donc les colons qui vivent illégalement dans ces colonies attaquent les Palestiniens pour faire en sorte que les Palestiniens fuient, partent, et garantir que les colonies continuent à s'agrandir et à s'accroître. Donc nous, on intervient pour s'assurer que les Palestiniens aient une protection et puissent rester sur leur terre, surtout en zone C, en Cisjordanie. Et on intervient dans la bande de Gaza, surtout auprès des pêcheurs et des fermiers qui sont impactés par la mise en place des zones d'accès restreint. C'est-à-dire, c'est l'armée israélienne qui tire le long de la barrière avec Israël et aussi en mer. Donc il y a des zones de pêche où les pêcheurs peuvent naviguer entre 6 et 10 000 nautiques, alors que bon, les poissons sont bien au-delà. Oui, j'avais vu ça, on est passé de 15 000 nautiques à 9 000 nautiques et à 6 000 nautiques maintenant. Voilà. Exactement. Donc il y a ces zones d'accès restreint qui sont en mer et sur terre. Et cette zone d'accès restreint, elle est mise en œuvre de manière illégale, avec des tirs de l'armée israélienne envers les civils palestiniens. On en a beaucoup parlé, si vous vous souvenez, en 2018, un peu 2019, avec la grande marche du retour. Avec les manifestations le long de la barrière, où il y a eu énormément de blessés palestiniens. Et donc, c'est une zone aussi qui est importante en termes de souveraineté alimentaire, puisqu'il y a une telle densité, il y a une telle densité de population dans la bande de Gaza qu'en fait, la souveraineté alimentaire est garantie par des terres agricoles qui se trouvent le long de la barrière avec Israël. Et puis, bien sûr, la pêche. Mais donc ça, c'est un enjeu pour nous d'intervenir là. Donc c'est un pilier urgence assez fort qui est cohérent entre la Cisjordanie, violence des colons et la bande de Gaza avec les tirs au quotidien. Et puis un pilier, on va dire, plus long terme avec du soutien psychosocial. Comme vous l'imaginez, la violence des colons, les harcèlements, les attaques quotidiennes ont un impact fort. Vous la subissez, la violence des colons ? Ah oui. On l'a subi. Alors, moi, aujourd'hui, j'essaie de me faire le porte-parole de mes collègues palestiniens. Je les ai appelés cette semaine. J'ai quelques données. Je ne veux pas on peut inonder de données. Mais moi, je suis très légitime pour parler des besoins humanitaires qui sont générés par une occupation illégale. La voix des Palestiniens, on les entend pas beaucoup, malheureusement, alors que c'est facile. Moi, je suis en contact avec Gaza tous les jours. Donc, en fait, c'est très facile d'avoir contact avec les Palestiniens et d'être en contact avec eux. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être à la hauteur, de faire porter leur voix et ce qu'ils m'ont donné comme information à la situation sur place. Moi, je peux témoigner aussi de la situation, de la dégradation de la situation ces 5 dernières années où j'y étais, jusque novembre 2023, avec une violence des colons qui s'accentue de manière infernale, et qui a un impact, bien sûr, sur nous, travailleurs humanitaires, puisque notre accès est de plus en plus compliqué. Alors, moi, comme je t'ai dit au début, je n'avais jamais entendu parler de cette association, mais comment est-elle aussi peu connue, ou alors... Elle est... On t'invite pas à TF1, par exemple ? Non, on m'invite pas à TF1. Mais on m'invite à RFI, tu vois, donc quand même. On m'invite à RFI. Mais alors, elle est peu connue parce que c'est déjà une volonté. La philosophie, c'est que toutes les ressources aillent sur le terrain. Donc, il y a une volonté d'être au plus proche des populations. Et donc, toutes les activités, les ressources et l'énergie est mise pour délivrer de l'aide humanitaire très opérationnellement avec les communautés, avec les partenaires locaux. Et donc, on ne fait pas de campagne. On ne fait pas de campagne, etc. Et puis, je pense qu'il y a un côté aussi de... on est là, moi, je réponds. Et un de mes boulots, c'est de faire du plaidoyer. Donc, quand on cherche bien, en fait, on peut nous trouver. Et moi, je réponds présent à chaque fois que je peux, bien sûr, pour porter la voix de ce qui se passe sur le terrain en Palestine. L'ONG, en fait, a été créée au début, c'était Aide Médicale Internationale. C'était donc des French Doctors qui ont créé AMI, Aide Médicale Internationale en Afghanistan, en 79. Donc, c'était l'époque, vous vous souvenez, des French Doctors, etc., qui passaient la frontière avec le Pakistan. Bien après le Biafra. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc, ces French Doctors ont créé Aide Médicale Internationale en Afghanistan, avec aussi cette volonté, justement, de ne pas faire de campagne, de com. En disant, on n'est pas Médecins Sans Frontières, on respecte ce que fait Médecins Sans Frontières. Nous, on est des médecins français. Par contre, on veut rester sur le terrain. C'est comme ça que ça a été créé. Ça a fusionné ensuite... en 2011 avec Première Urgence, et donc c'est devenu Première Urgence Internationale. D'accord. Avec la moitié des opérations sont de la santé, soutien à la santé, santé primaire, santé mère-enfant, santé mentale, et l'autre moitié des opérations, c'est assainissement, eau, construction, sécurité alimentaire, nutrition. Donc les auditrices et les auditeurs de Radio Campus et d'Angle d'Attaque apprécieront que nous avons une voix assez rare sur les ondes aujourd'hui. Bien, oui, alors effectivement, tu commences à développer le travail de tes collègues que tu as au téléphone régulièrement. Donc, ils disent quoi ? Alors, est-ce que vous êtes poursuivi par l'armée ou est-ce que vous êtes respecté par l'armée israélienne à Gaza ? Est-ce qu'ils sont respectés ? Est-ce qu'ils sont apparents? Ils ont une chasuble PUI ou... Ah oui, on est toujours visible. On est toujours visible. On a une chasuble blanche marquée Première Urgence Nationale, donc on est visible. Nos sites humanitaires sont aussi les coordonnées GPS de nos sites humanitaires sont partagées avec l'armée israélienne. Donc ça fait partie des protocoles parce que il y a une obligation de la force occupante de protéger et de faciliter l'aide humanitaire. Oui. C'est une obligation en droit international. Et les objets humanitaires sont des objets protégés en droit international. Sauf que malheureusement, on le voit bien, nos bureaux qui étaient dans la ville de Gaza, dans la zone verte, avec un toit marqué UN, United Nations en bleu, ont été bombardés. On voit que les deux tiers des écoles de l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont été bombardés. On voit qu'il n'y a aucun lieu sûr et qu'il y a une totale impunité, même sur les biens humanitaires. Alors, combien de personnes donc du PUI sur Gaza, dans les lieux, à peu près partout, j'imagine? Oui. Alors actuellement, j'ai 12 collègues palestiniens dans la bande de Gaza. Après le 7 octobre, on a loué une maison à Rafah. Donc l'ONG a loué une maison à Rafah. On avait des panneaux photovoltaïques qu'on a installés pour permettre à nos collègues et à leurs familles d'être... Oui, parce qu'ils sont palestiniens. Oui. On était quelques expatriés. J'ai un collègue français qui était à Gaza au moment du 7 octobre et qui a été ensuite évacué vers le mois de décembre. Donc il est resté quand même plusieurs semaines coincé dans la bande de Gaza. Donc actuellement 12 collègues, ils ont été déplacés en moyenne 7 fois. Depuis plus d'un an. Actuellement, certains sont à Khan Younis, à Deir el-Bala. Donc Deir el-Bala, c'est un camp humanitaire. Il faut savoir qu'il y a 80% de la bande de Gaza qui est sous ordre d'évacuation. Des ordres d'évacuation qui sont toujours actifs depuis octobre 2023. Vous imaginez presque 2,5 millions de Palestiniens sur 80% du territoire qui est sous ordre d'évacuation toujours actif. Et entre le 11 et le 14 décembre, donc là, c'était la semaine dernière, il y a eu, même dans ces zones, normalement, sous zone humanitaire à Deir el-Bala, à Khan Younis, il y a encore eu 69 000 déplacés, rien qu'entre le 11 et le 14 décembre, dans des zones qui sont normalement protégées, qui sont normalement des zones humanitaires. Donc on voit que les déplacements continuent, même il n'y a plus aucun lieu sûr dans la bande de Gaza, on savait déjà, mais c'est assez affolant. Et puis surtout, il y a depuis deux mois, depuis 70 jours exactement, 75 000 personnes qui sont bloquées dans le nord de la bande de Gaza, sans accès à l'eau, où les convois humanitaires ne peuvent plus entrer. Donc il y a actuellement 75 000 personnes sans électricité, sans eau, sans soins, sans nourriture, qui sont complètement coincées au nord de la bande de Gaza. Et que peut faire l'aide humanitaire, là? Alors là, on est complètement... On est complètement coincés. Nous, on a quelques camions qui sont à la frontière égyptienne, Rafah côté égyptien. Ouais. Mais on est complètement bloqués. L'aide humanitaire n'est pas facilitée par la force occupante, encore une fois. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui dit que la force occupante a une obligation de protéger et de faciliter l'aide humanitaire auprès des populations occupées. Entre le 1er et le 16 décembre, donc vous voyez, sur les 15 premiers jours du mois de décembre, il y avait 339 convois planifiés qui ont été coordonnés avec l'armée israélienne. Sur ces 339 convois planifiés, seuls 30% ont été facilités et accordés. 42% ont été complètement refusés. 18% ont été empêchés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a eu l'accord et puis en fait, pouf, non. Et 10% ont été annulés. Donc voilà, il n'y a même pas 30% seulement. J'imagine que les empêchés, les annulés sont particulièrement circonstanciés. Tout à fait. C'est écrit. Voilà. Oui, tout à fait. Et l'Égypte n'en veut pas de ces réfugiés. Non, alors moi j'ai quelques collègues qui ont pu être évacués vers l'Égypte, mais en fait ça coûte une fortune. La coordination, la paperasse administrative coûte une fortune. Et donc, en fait, les Palestiniens les plus vulnérables restent dans la bande de Gaza, restent coincés et ne peuvent pas sortir. Mais en fait, le blocus, il joue aussi pour le côté égyptien, de toute façon. Oui, bien sûr. Je veux juste rappeler que la bande de Gaza est sous blocus depuis presque 16 ans. On parle depuis le 7 octobre, mais Gaza était déjà une catastrophe humanitaire avant le 7 octobre. avec 2,5 millions de Palestiniens, 60% qui dépendent de l'aide alimentaire pour pouvoir manger, deux tiers qui sont des réfugiés palestiniens, deux tiers de la population de Gaza qui sont réfugiés, qui dépendent de l'UNRWA, de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour avoir accès à l'éducation, à la santé, aux soins de santé primaire. C'est déjà une catastrophe humanitaire avec un taux de chômage exponentiel, 70% de taux de chômage pour les jeunes dans la bande de Gaza avant le 7 octobre. Moi, en 5 ans, Gaza était quand même bombardé en moyenne tous les 6 mois aussi. Enfin, faut pas l'oublier, c'était déjà une catastrophe humanitaire avant le 7 octobre. Et un blocus illégal, encore une fois, hein, résolution des Nations Unies, un blocus illégal qu'on a laissé faire, qu'on a laissé perdurer. Et Israël qui contrôlait les calories, je crois, que devait voilà, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus complètement de famine, mais tu vois, en même temps, ils ne mangent pas complètement. Voilà, donc c'était vraiment... Ouais. Voilà, tout à fait. C'est pas uniquement une prison à ciel ouvert. C'est exactement. Avec un blocus... un blocus très dur, et donc je parlais, donc nous on travaille beaucoup avec les pêcheurs et les fermiers, les pêcheurs ne pouvaient pas faire entrer des pièces de rechange pour réparer les moteurs, on pouvait pas faire entrer certains fertilisants d'intrants pour les agriculteurs, on pouvait pas apporter certains matériaux parce qu'ils étaient sur une liste dite entre guillemets à double usage. On ne pouvait pas faire entrer de la fibre de verre pour réparer la coque des bateaux. Enfin, donc, c'était toute une économie qui souffrait, souffre. Alors là, c'est la catastrophe. Mais je veux juste rappeler que ce blocus qui dure depuis plus de 15 ans avait un impact concret en fait, sur le quotidien des Palestiniens en termes de calories, en termes de solutions, de moyens d'existence, de bien-être avec des jeunes Palestiniens qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza avec une densité de population énorme. C'est assez fou. Hein. Et encore une fois, c'était sous nos yeux. Et on a laissé faire, on a laissé ce blocus. Voilà. Alors, tu dis que le... Excuse-moi. Oui, pardon, j'avais vu l'article de Mediapart. Morgan. Aussi, en même temps, où on laisse faire aussi les colons juifs, les ultra-orthodoxes, qui... enfin, je suis désolé un peu d'État, mais qui se comportent comme dans des westerns, en fait, qui débarquent, qui tuent des feux, qui tuent des agriculteurs, parfois des familles, enfin, plusieurs membres d'une famille, et qui rasent des cultures aussi, enfin, pour s'installer. Ouais, ouais, mais merci. Moi, j'aime bien aussi ne pas fragmenter Gaza et Cisjordanie. Pour moi, c'est un territoire palestinien occupé, donc c'est bien de parler aussi de la Cisjordanie, de pas scinder. Le peuple palestinien est déjà assez fragmenté. Donc moi, j'essaie toujours de parler du territoire palestinien occupé, c'est un peuple palestinien avec des réfugiés palestiniens qui sont éparpillés partout au Moyen-Orient. C'est un territoire avec la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est incluse. Jérusalem-Est, c'est la Cisjordanie, hein, et la bande de Gaza, tout ça occupé par une force occupante. C'est pas un conflit, hein, c'est une occupation illégale. Il n'y a pas deux forces égales, hein, il n'y a pas d'État de Palestine, il n'y a pas d'armée palestinienne. C'est pas une guerre. Voilà, donc les mots ont leur importance aussi en droit international. Et en Cisjordanie, moi, mes collègues, quand je suis arrivé en 2019, ils me disaient, il y a 10 ans, les colons attaquaient la nuit, en petits groupes, les bergers, que en zone C. Là, ces dernières années, il y a des attaques coordonnées de colons qui, comme tu le dis, tirent à balles réelles, souvent protégées par l'armée israélienne. Ils attaquent de plus en plus en pleine journée. Ils attaquent non plus seulement en zone C, qui est 60% de la Cisjordanie, ils attaquent de plus en plus en zone B. Il y a quelques jours, il y a une maison à Ouara. Ouara, c'est un village palestinien au sud de la ville de Naplouse, c'est en zone B. Donc zone B, c'est-à-dire sous contrôle administratif palestinien, sécuritaire israélien. La maison a été mise en feu, saccagée par des colons fous en pleine journée. Et donc c'est une impunité totale. Il y a plus de 1800 Palestiniens qui ont été déplacés de force depuis un an à cause de cette violence des colons. Qui attaquent de plus en plus. Donc plus de 1800 Palestiniens déplacés en un an, dont la moitié d'enfants, à cause de cette violence des colons qui est complètement folle. Moi, quand je suis arrivé en 2019, il y avait une attaque de colons en moyenne par jour. Et c'est une attaque de colons qui amenait des dégâts sur les maisons ou des blessés. Donc ça, c'était quand je suis arrivé en 2019. En 2021, on était passé déjà à 3 attaques de colons par jour. Et en 2024, on est à plus de 6 attaques de colons par jour, en moyenne. Et quand je dis des attaques, c'est-à-dire que c'est encore une fois des attaques qui ont des dégâts concrets sur les structures, les maisons palestiniennes, ou qui mènent à des blessés. Donc je ne parle même pas de tout ce qui est intimidation, agression. Il y a une normalisation de cette violence envers les communautés palestiniennes. Voilà. Et puis il y a eu des périodes de la récolte des olives, par exemple, dernièrement, il y a des pics de violence des colons, c'est assez fou. Oui, c'était... C'est un peu le western, quoi. Ah oui, une impunité totale. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de colons français. Oui, hein, tout à fait, oui. Et donc là, c'est aussi un moyen d'agir. Hein. les colonies sont illégales. Et je crois que la France, on a le deuxième contingent de colons français après les Américains. Oui, alors, justement, enfin, c'est ce que tu dis. Je vais revenir sur Gaza, si tu veux bien. Oui, oui, bien sûr. Sur deux points. Tu dis que c'était 2/3 de réfugiés à Gaza. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une population gazaoui qui existait, qui est, bon, qui est vue multipliée par plusieurs fois la population gazaoui, et donc une économie gazaoui. Mmh. Oui. Et moi, je me suis intéressé, je te dis, en préparant cette émission, je me suis intéressé à l'économie. Et donc, c'est effectivement ce que tu dis. Non seulement c'était le 7 octobre 2023, l'économie de Gaza était déjà bien en lambeaux, quasiment. Et donc, ce que je découvrais, c'est que il y a plusieurs opérations militaires israéliennes. En 2008, en 2022, en 2014, en 2021, en 2020. Et je découvre que Rabbi Amoujabous, qui est un homme d'affaires palestinien, dit que tout le monde a bien compris la leçon. Les Israéliens ne veulent plus d'industrie dans la bande de Gaza. Donc, du coup, je découvre qu'il y a de l'industrie dans la bande de Gaza. Ils ont détruit tout ce qui ressemblait à un atelier ou à une usine. Cela peut paraître surprenant, mais il y avait une tradition de production dans la bande de Gaza qui remonte loin. Prenons l'industrie textile, par exemple. Pendant des années, des dizaines d'ateliers cousaient pour l'industrie israélienne du vêtement de Gaza, des pièces de Levi's et de Nike sortaient donc de la bande de Gaza pour des producteurs, pour des commanditaires israéliens, effectivement. Donc il y a toute une économie qui était détruite, mais de façon systématique. C'est ça qui semble intéressant, en fait. Il dit atelier, le moindre atelier, la moindre industrie. J'ai découvert qu'il y avait une industrie du marbre, qu'il y avait une extraction de marbre à Gaza, et tout ça est très précis. Et ensuite, non seulement ça, ben, j'ai dit ensuite, dans la foulée logique de l'occupant, c'est les mosquées. C'est les lieux de culte, les lieux de culture, les écoles. Voilà, il y a quelque chose d'effrayant d'un point de vue systématique, je trouve, échappe à ce qu'on entend dans les médias mainstream dont je parlais tout à l'heure. Oui. On développe le côté humanitaire, c'est la moindre des choses quand même. On est à 46 000 ou 47 000 morts. Voilà. On oublie, d'une part... on continue de dire que le Hamas est une organisation terroriste. On oublie qu'il y avait un gouvernement élu en 2006 à Gaza, un gouvernement donc parti Hamas, avec notamment des idées que apparemment l'OLP n'avait plus, manifestement. Et voilà, donc j'aimerais que tu dises des choses là-dessus. Enfin, deux points. D'abord, la Palestine, c'est un marché captif pour Israël. Oui. Quand on est en Cisjordanie, quand on est à la bande de Gaza, les mini-markets sont remplis de produits israéliens. Israël contrôle toutes les zones d'accès, tous les points d'entrée. Et donc, tout le marché palestinien, bande de Gaza, Cisjordanie occupée, est un marché captif pour Israël qui écoule ses produits. Moi, je me souviens, la première fois que je suis à la Gaza, que je vais au mini-market au bout de la rue du bureau... J'étais étonné de voir tous ces produits, etc. Et donc, moi, à chaque fois, je demandais « Minouen, Watani, est-ce que c'est local ?» Moi, je veux acheter des produits. Et en fait, non, ça vient des colonies illégales, ça vient d'Israël. C'est amené dans la bande de Gaza, c'est amené en Cisjordanie, donc c'est un marché captif. Et c'est une occupation, excusez-moi le terme, mais c'est une occupation, c'est tout bénef hein, pour la force occupante. La force occupante a une obligation en droit international de faciliter, de protéger la population occupée. Israël ne le fait pas, ne respecte pas le droit international. Donc, ce sont des ONG internationales qui sont financées avec nos impôts, qui viennent apporter l'aide humanitaire, l'accès aux soins, la sécurité alimentaire, etc. Donc Israël, ça ne lui coûte rien. Par contre, il bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée. Il donne des permis aux Palestiniens pour passer la ligne verte, aller travailler en Israël, dans les chantiers de construction. Enfin, l'économie israélienne marche grâce en fait, à ce marché captif palestinien et grâce à une main-d'œuvre hyper qualifiée qui contrôle les accès. Hop, on va donner quelques milliers de permis à des travailleurs palestiniens de Gaza. Ils vont sortir, ils vont passer la semaine en Israël, travailler sur les chantiers. Hop, le week-end, ils vont rentrer dans la bande de Gaza, consommer des produits israéliens. Donc c'est vraiment, enfin c'est assez hallucinant et on en parle pas beaucoup. Avec des conditions de travail épouvantables. Ouais. Il me semble qu'Israël est le pays au monde peut-être qui a le plus d'accidents de travail. C'est pas assez répété. Ouais. Parce que voilà, c'est une exploitation, une brutalité cette force de travail. Oui. Hein. Complètement. Et la destruction conduit effectivement à l'importation de tout en fait. Mmh. La destruction des terres, la destruction, l'empêchement de pêcher. Empêche effectivement, aboutit à une dépendance totale des Gazaouis de l'extérieur. Ah, ouais. Et l'aide humanitaire, donc, encore une fois, je répète, hein, moi en tant que travailleur humanitaire, j'ai travaillé en Afghanistan, enfin, voilà, j'ai travaillé au Liban, j'ai travaillé en Jordanie avec l'afflux de réfugiés syriens, etc. En Palestine, la crise humanitaire est générée par une occupation illégale. Moi, en tant que travailleur humanitaire, je ne devrais pas travailler en Palestine. Les Palestiniens ont des ressources, ils ont des arbres, ils ont des terres, ils ont une jeunesse qui est hyper bien éduquée. Il y a Bir Zeit, il y a University of Palestine, enfin, il y a Annaja University, il y a une jeunesse qui est... Il y a plein de ressources en Palestine. Donc moi, vraiment, ce qui m'a choqué rapidement, c'est de dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi une ONG internationale travaille en Palestine alors que la crise humanitaire est générée par une occupation qui est illégale ? Fou. Moi, j'ai aucun problème à fournir de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, on est financé par le centre de crise et de soutien, par des bailleurs institutionnels. Donc, c'est l'aide humanitaire qui est financée avec nos impôts. Mm-hmm. Faut le rappeler. Moi, j'ai aucun problème à payer mes impôts. Hein. Si je paye des impôts, c'est que je suis capable de payer des impôts. Par contre, que mes impôts servent à financer une aide humanitaire qui n'a pas lieu d'être, qui est détruite par une force occupante, qui est remplacée à grands coups d'aide humanitaire, qui est redétruite, et qui n'a pas de redevabilité de la force occupante vis-à-vis des financements publics, vis-à-vis de nos impôts, moi, là, ça m'embête, par contre. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de rappeler, comme tu disais, un peu cette économie. Et puis, le fait qu'encore une fois, c'est la force occupante qui, normalement, est responsable de protéger, de garantir l'accès aux soins de la population occupée. Israël ne le fait pas. C'est les ONG qui prennent la place, financées par nos impôts. Donc ça pose beaucoup de questions, en fait, aussi. Didier, sur la... Bon, je laisse tomber la question sur la Cisjordanie, puisque tu as répondu, dans la mesure où c'est, pour toi, c'est les deux entités sont... Ah oui, pour moi, il faut... C'est des dynamiques différentes, mais pour moi, c'est un territoire... Enfin, c'est... encore une fois, je dis c'est pour moi. Non, c'est les Nations Unies, hein, c'est un territoire palestinien occupé. Et alors, quand même, sur la Cisjordanie, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est que les colons s'y mettent. Ça a déjà été dit, quoi. Mmh. Mais les blocs de béton pour empêcher l'accès aux champs, l'accès aux ateliers, etc. Il y a des portes métalliques aussi, j'ai lu ça, des portes qui... Au checkpoint pour passer la ligne verte. Ah oui, d'accord, c'était des portes-là, d'accord, c'était ça qu'il s'agissait. Oui, excuse-moi Didier. Non, c'est pas grave. Et sur l'extension du conflit, donc, il y a quand même... Gaza, si je Jordanie. Ensuite, il y a le Liban Sud. Il y a quand même la guerre contre le Hezbollah qui déstabilise un peu la région. On a vu que l'Iran ne pouvait plus vraiment soutenir Bachar al-Assad et la Syrie. Et on parle aussi d'une déstabilisation de l'Irak par voie de conséquence. Enfin, je veux dire, c'est tout toute la région du Moyen-Orient qui est bousculée. Comment tu vois les choses ? Est-ce que ça peut encore empirer cette situation ? Alors, moi, du coup, je suis travailleur humanitaire, donc je suis vraiment légitime que pour parler des besoins humanitaires. Mais en fait, encore une fois, pour moi, c'est une impunité qu'on a laissé faire. On parlait tout à l'heure de la loi de l'État-nation qui est passée en août 2018, où Israël, du coup, a passé cette loi d'État-nation qui dit, on laisse une impunité durer. On laisse des civils souffrir. Moi, depuis 5 ans, tous les 6 mois, je suis au Quai d'Orsay, je suis à Genève, je suis à la Commission européenne, avec des partenaires palestiniens et israéliens, où on dit, en fait, attention, c'est une cocotte minute, là, ça va exploser. Ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on ne fait rien, on laisse faire. Ouais. Et là, on voit bien où ça mène. J'ai pas la réponse à la question. Non, parce qu'on dit souvent qu'il y a une volonté de Netanyahou d'en revenir au grand Israël biblique, quasiment. Quoi. Donc, est-ce que cette vision est pertinente, d'après toi ? Malheureusement, oui. Et je lisais dernièrement avec des collègues qui avaient, c'est une petite anecdote, qui avaient... des Israéliens qui répétaient en fait des chants, la chorale, pour pouvoir permettre l'ouverture, la reconstruction du temple. Et donc il y avait quand même, c'était assez presque surréaliste pour moi en disant ça. En fait non, c'était très très sérieux. Il y a vraiment il y a tout un mouvement messianique assez fou qui est en marche Et qui a les coups des franches aujourd'hui. Ouais, exactement, ouais, complètement. Ouais, ouais, ça peut paraître parfois surréaliste, mais en fait non, c'est non. Et comment tu expliques la faillite du droit international par rapport pour Israël, quoi, puisque ça s'applique pas, enfin ils font ce qu'ils veulent, et tout le monde regarde ailleurs. Je me l'explique pas. Et ce que les Palestiniens disent, c'est ça en fait. Quand parfois on dit oui, la solution à un État, à deux États, etc. Les Palestiniens disent bon, en fait on s'en fout. On veut juste que le droit international soit respecté. On veut juste exercer nos droits. On voit bien que quand il y a une occupation militaire illégale, comme c'est le cas en Ukraine, on connaît les leviers du droit international pour contrer cette occupation illégale. Et en fait, les Palestiniens disent, mais en fait, on veut simplement que le droit international s'applique. Et on voit que les leviers sont connus et sont activés contre une occupation illégale dans le cadre de l'Ukraine. Et ce n'est pas le cas pour nous depuis des décennies. Donc, Que ce soit un État ou deux États, ils disent, ils s'en foutent, ils veulent juste vivre en paix. Ils veulent vivre en paix, juste pouvoir exercer leurs droits. Oui, c'est ça qui est surprenant. Enfin, Israël envahit un pays, quoi. Et Macron réagit mollement parce que le Liban, il avait prévu de le sauver. Maintenant, il y a une double raison de le sauver, en l'occurrence. Mais non, je plaisante sur des trucs pas du tout drôles, mais voilà, c'est un vrai problème, quoi. Cette absence de réaction et cette uniformisation de la pensée occidentale, de faire corps. Derrière les États-Unis ou pour défendre Israël. Oui, avec cette idée que Israël est la pointe avancée de la démocratie dans un océan de barbarie. Ça fait rire, là, quand même. La fameuse phrase de Ehud Barak en 2001 qui avait dit Israël, c'est la villa dans la jungle. Ouais, bon, tout est dit. À partir de là, et je pense que c'est ça qui pèse beaucoup dans la représentation et qui explique pourquoi les États-Unis sont. Je pense que les Gazaouis ou les Palestiniens sont des Indiens. En fait, c'est les Indiens d'Amérique qu'ils ont exterminés. Bon, bah, pour eux, ça n'a pas trop d'importance. Puisque c'est des barbares, bon. On rappelle que pour les Israéliens, ce sont des Arabes. Oui, c'est ça. Ils ne parlent pas de Palestine. Le mot palestinien est plutôt gommé pour dire il y a de la place dans tout autour. Là, venez, il y a de la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, c'est ce que vous voulez. Vous allez rentrer chez vous, ça. Oui, tu parlais des médias mainstream, etc. Et c'est vrai qu'on. Enfin, c'est très facile d'entrer en contact avec les Palestiniens. Moi, je suis en contact tous les jours avec mes collègues à Gaza, en Cisjordanie. C'est assez facile, on n'entend pas la voix des Palestiniens. Moi, ça me rend fou quand il y a deux ans, Amnesty International, Human Rights Watch parle d'apartheid. Les Palestiniens, ça fait 20 ans. Ils disent que c'est un apartheid, personne ne les écoute. C'est quand même assez fou. Il faut qu'il y ait d'un seul coup, une organisation qui dise c'est un apartheid, ça y est, c'est un apartheid. Mais oui, mais en fait, allez sur le terrain, écoutez les Palestiniens. Ça a été reconnu par les instances internationales. Il y a eu une. Ouais, donc c'est assez fou. La suite. Oui, alors, Ludovic. Parle-nous de Netanyahou. Alors oui, Netanyahou là donc est inquiété dans son propre pays. Il est inquiété par la CPI, on l'a dit, mais bon, je pense que malheureusement ça n'aura sans doute pas d'effet, en tout cas dans l'immédiat. Et même s'il venait en France, apparemment Macron a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une immunité le concernant, en violant totalement l'article 27 qui dit qu'il n'y a pas de négociation possible. Et par ailleurs, il est inquiété aussi dans son propre pays. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur quels sont un peu les griefs qui lui sont reprochés par la cour israélienne? Oui, alors il y a des soupçons de corruption déjà en ce moment. Et puis il y a aussi, depuis 2021, toute une réforme du système judiciaire également qui est remis en cause. Alors là, c'est un peu mis entre parenthèses avec ce qui se passe. Ce qui se passe à Gaza. Mais voilà, il y a quand même la société civile israélienne qui est mobilisée contre Netanyahou. Là aussi, on les entend pas beaucoup. Il y a du mouvement, il y a la société civile israélienne qui est aussi intimidée. Il y a toute une politique de délégitimisation de la société civile en Palestine, en Israël. Il y a une attaque à l'endroit du journal Haaretz, notamment. Et oui, effectivement, oui, c'est Après, je pense que les gens qui descendent dans la rue, je pense qu'ils n'en ont cure de la... des Palestiniens. C'est-à-dire ouais. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, que les otages reviennent, mais je pense qu'ils ne sont pas trop... A priori, la société israélienne est plutôt pour la guerre que mène Netanyahu. Ils ouais. ont pas ouais. Même la gauche. Alors déjà, il ouais. reste plus beaucoup de gauche ouais. en Israël. Donc, je pense que ça, il faut le dire. Les gens qui descendent dans la rue pour dénoncer Netanyahu, c'est surtout par rapport à la question de la corruption. La corruption. Ouais. Pas par rapport à... Non. Mais justement, la gauche israélienne, enfin, ce qu'on appelait les travaillistes, et même des mouvements comme la paix maintenant, enfin, il y avait quand même la société civile qui se mobilisait. Ouais. Et on n'entend plus du tout cette voix-là. Quoi. On a l'impression que la politique israélienne, ça se résume à la droite et à l'extrême droite. Quoi. Ouais. Il y a plus de... La ouais. gauche est inaudible. Oui, oui, alors que... Enfin, je pense à des organisations comme B'Tselem, Yejdin, qui sont des organisations israéliennes qui font un super boulot, défense des droits humains et la défense des droits des Palestiniens. Là aussi, en fait, on ne les entend pas. Il y a l'Union juive pour la paix, il y a une voix intéressante qu'on n'entend pas, il y a Tzedek aussi qui était là justement jeudi soir. Au Kino. Voilà, il y a plein de voix. Et encore une fois, tu parlais des médias mainstream, en fait, ces voix-là, on pourrait les entendre, on pourrait leur donner la parole. Et on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que du coup, on n'entend que Netanyahou, on invite Netanyahou au JT, dans les médias mainstream, etc. C'est quand même assez... assez et est-ce qu'on ne les entend pas parce que même sont résignés ou parce que la politique israélienne est fait que finalement, il n'y a plus de voix pour eux quoi. Alors, elles sont pas résignées, mais par contre, elles subissent beaucoup d'attaques, de délégitimisation. Comme toute la société civile, dès qu'on veut parler de la défense des droits des Palestiniens, donc des comptes en banque qui sont gelés, ils sont intimidés, donc c'est dur, hein. C'est très, très, très, très dur, ils sont traqués, donc c'est difficile, mais ces voix existent, et il y a plein d'informations, et elles sont accessibles. Il y a une opinion publique générale qui marche quand même avec Netanyahou, malheureusement. Enfin, Oui, alors il y a aussi cette, enfin ce qu'on disait là, les rapports. Il y a la Cour pénale internationale, mais aussi il y a les rapports à Amnesty International. Est-ce que tu as appris quelque chose dans ce rapport ou est-ce que tu l'as lu déjà? Oui, en fait, j'apprends toujours. Fait partie de tes lectures. Oui, non, j'apprends toujours plein de choses. Donc non, c'est intéressant. Ouais. Mais là aussi, en fait, il y a malheureusement rien de neuf. Moi, je crois que j'ai rarement été dans un pays où j'ai rencontré autant de gens des droits de l'hommistes. Les Palestiniens sont hyper bons. Vraiment, hein, ils connaissent leurs droits, ils connaissent le droit international. Ils sont, voilà, c'est fou. Et donc, tout ce qui est écrit, ça a été dit. Les Palestiniens le disent depuis longtemps. Je pense que c'est bien que ça soit formel, c'est bien que ça soit mis en avant par Amnesty, qui est quand même une force de frappe assez intéressante en termes de campagne, en termes d'information. Donc c'est super, mais en fait, l'apartheid, le nettoyage ethnique, voilà, l'histoire des Palestiniens, c'est des histoires de déplacement forcé et de dépossession et de vol de terre. Et là, à Gaza, on voit en fait qu'il n'y a aucun endroit sûr, que le droit international est bafoué, le droit humanitaire international est complètement bafoué, avec des hôpitaux qui sont ciblés, vraiment, qui sont clairement ciblés, des écoles des Nations Unies, des lieux de culte, l'usine de désalinisation également. On voit que c'est systématique, on voit que c'est calculé, et c'est bien que ce rapport soit étoffé là-dessus, où il y a vraiment l'intention est clairement démontrée, et ça c'est important, et voilà, j'espère que le droit va s'appliquer. Et que ça va vite se terminer, surtout pour les Palestiniens. Oui, on peut effectivement l'espérer. Et puis on est quand même inquiet. Je pense qu'Amnesty International va être traité d'antisémite, en principe. C'est déjà fait, non? L'ONU, déjà aussi, le tribunal. Il n'y a rien qui arrête, c'est ça le problème, il n'y a rien qui arrête. Celle-là était une folie, mais en fait, c'est une folie meurtrière en l'occurrence. Et puis, il y a Trump. Trump dans tout ça. Ouais. La question, c'est de savoir, là, avec l'élection de Trump, comment tu vois la suite? Alors, il y avait la petite blague. Certes, Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt international. Bon, ça l'empêchera pas d'aller en vacances à Mar-a-Lago. Bon, là, Trump a eu. Il n'est pas encore entré au bureau ovale. Pourtant, il a déjà promis de nommer un certain nombre de personnalités politiques quand même qui nie clairement l'identité, enfin qui dit qu'il n'y a pas de Palestiniens en fait, qui sont reconnus comme des faucons. Donc on peut s'attendre, enfin, de ce côté-là, à ce qu'ils appuient la pression au niveau du conflit, mais d'un autre côté, bon, la guerre, c'est pas forcément son truc. Et il y a aussi derrière une hostilité claire envers l'Iran. Donc, comment tu vois la suite avec Trump? Et derrière, est-ce que comment tu vois la suite de, enfin, l'intérêt de nos mobilisations à nous, sachant que s'il y a un grand frère américain qui continue à appuyer la pression, à quoi bon de notre côté, quoi? Ouais. Tu parles politique, là, attention, c'est un humanitaire. Je lis pas dans les boules de cristal, mais oui, non, c'est hyper inquiétant. Et je repense à la grande marche du retour dont je mentionnais, dont je parlais. La grande marche du retour a été initiée parce que Trump avait décidé de déplacer l'ambassade des États-Unis. Vous m'expliquez la grande marche du retour un peu plus? Oui, alors en fait, ça a commencé en 2018, de mémoire. Et donc, ça a été initié, donc c'est les Palestiniens qui ont manifesté de manière pacifique le long de la barrière avec Israël. Trump déplacé l'ambassade des États-Unis, qui était jusque-là à Tel Aviv, à Jérusalem, en disant que Jérusalem était la capitale éternelle, indivisible, d'Israël et du peuple juif. Ah d'accord, c'est ça, oui. C'est ça. Et donc, c'est ça qui a aussi initié cette marche du retour. Avec des manifestations tous les vendredis. Qui a été réprimé de manière féroce. Ils ont tiré dans les genoux délibérément. Ça a fait des centaines d'estropiés. Enfin, voilà, c'est assez fou. Et puis derrière ça, les États-Unis ont reconnu l'annexion du Golan. Et puis ensuite, il y a eu des mentions, les accords d'Abraham qui ont facilité la normalisation des relations avec plusieurs pays arabes. Et puis, il y a aussi le fait que les colonies n'étaient plus forcément contraire au droit international aussi. Voilà. Ça a été pendant l'administration Trump. Ensuite, là, depuis quelques mois, Biden, par exemple, a poursuivi, en tout cas empêche l'entrée du territoire américain aux colons violents qui ont été identifiés, des colons américains qui vivent illégalement. Donc il y a une entrée d'entrée sur le territoire américain s'ils sont poursuivis pour des actes de violence envers les Palestiniens. Donc, avec l'administration Biden, l'ambassade est toujours à Jérusalem, hein, ça n'a pas changé, il n'est pas revenu là-dessus, malheureusement. Mais voilà, il y a eu en tout cas des choses qui ont été faites vers les colons extrémistes et violents, mais seulement il y a quelques mois, ça aurait pu être fait. C'est inquiétant, du coup, le retour de Trump, c'est inquiétant. Le fait aussi que j'ai vu les personnes qui ont commencé à nommer... Qui parle en termes bibliques, hein. Il parle de Judée, Samarie, etc. Et on ne parle pas du tout. Donc il ne parle pas du tout de la Cisjordanie occupée. Donc c'est très très inquiétant. Ceci dit, il ne faut pas dédouaner la responsabilité de Biden. Oui. C'est Biden qui est le co-responsable du génocide. C'est tout à fait. Qui arme massivement. Donc, exactement. Je fais bien de le rappeler. Pour des raisons électoralistes aussi. Hein. Oui, enfin, c'est aussi lié à une vision qu'il a depuis très longtemps. Depuis, il a été biberonné dans cette histoire d'Israël. Puis, on ne peut pas ne pas parler de du silence des pays arabes. Et ce n'est pas non plus d'hier. Ouais. Alors, comment ils sont perçus, comment ces silences sont perçus par les Gazaouis que tu te rencontrais, avec qui tu as pu parler de l'Arabie Saoudite, de gouvernement très riche, pas de peuple en l'occurrence, sachant que c'est aussi au risque de ces dirigeants arabes, puisqu'ils n'ont pas digéré la fin du printemps arabe, précisément. J'ai vu, aujourd'hui, il y a des... C'est pas le Gaza, mais les Jordaniens aident le nouveau pouvoir syrien aujourd'hui. Mais c'est les Jordaniens, le peuple. Et Hussein est obligé de suivre, quoi, quasiment. Donc il y a quelque chose qui doit être de nous interpeller. Oui, puis tu fais bien de distinguer aussi les régimes et la population, la rue, qui est pour le peuple palestinien, la défense des droits des Palestiniens, et qui malheureusement n'est pas toujours suivi

génétique huria. Un adjazéri, la résistance est en moi. Et un mazir, je le suis. Et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique huria. Un adjazéri, la résistance est en moi. Et un mazir, je le suis. Et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique huria. Un adjazéri, la résistance est en moi. Et un mazir, je le suis. Et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique huria. El Nadjaziri, la résistance est en moi. Et Mazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Et donc c'était Zep avec Palestine, et vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM, campuslille.com et DAB+, et c'est l'émission Angle d'Attaque. Et le morceau était très bien choisi. Oui. Et donc on va passer aux actualités d'Attaque, Christian. C'est d'abord, Didier. D'abord l'international, donc on va rester dans le sujet. Palestine, donc imposons la fin des massacres, du génocide, du déni d'humanité, imposons des sanctions contre l'État d'Israël. Collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Donc l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, Attaque et BDS, boycott des investissements, sanctions. France lance la campagne Banque Complice en appelant BNP Paribas à cesser sa complicité dans le financement du génocide et de la colonisation illégale de la Palestine. Des actions d'interpellation seront organisées partout sur le territoire pendant les prochaines semaines. Il y en a eu une d'ailles fin novembre devant la BNP. Donc 5 banques françaises, BNP, Paribas, la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne, la Société Générale et le Crédit Agricole figurent parmi les 10 institutions financières européennes qui ont investi le plus dans les entreprises impliquées dans les colonies illégales et dans l'armement d'Israël. Faut le savoir. Ah oui, il faut le savoir. Au point de vue national, c'est un communiqué d'Attaque France à lire sur le site d'Attaque, évidemment. Bérou à Matignon, le macronisme sous perfusion, voilà à peu près le titre du communiqué. Ça rime en plus. Et en plus, ça rime, ouais. Avec la nomination de François Bérou, dont on ne dira pas Bérou de secours, Didier. C'est le calor enchaîné. Au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron opère une énième contorsion constitutionnelle pour maintenir le cap de sa politique morte-vivante. Il ne s'emmerde pas sur les mots, là, Attaque nationale. Brutalisant toujours plus la démocratie, Attaque exprime sa plus vive inquiétude face à cette nomination après l'impasse Barnier qui a renforcé le Rassemblement national. Voici la continuité Bérou. Comme bon nombre des membres du gouvernement, celui-ci traîne sa petite casserole, notamment les emplois fictifs. Et puis, on pourrait dire qu'il y en a quelques autres. Bérou soutenait la campagne d'Emmanuel Macron dès 2017. Il n'a jamais cessé de le soutenir. Il est partisan de l'orthodoxie budgétaire, évidemment, on peut s'en douter. Il est opposant à la constitutionnalisation des droits à l'IVG, rien que ça. Il a voté la suppression de l'ITF et a soutenu les réformes des retraites à 64 ans. Bref, un tableau magnifique. Il coche toutes les cases. Oui. J'allais dire plus sérieux, non. Intéressant quand même le débat qu'il y a à l'intérieur d'Attaque, parce que ce n'est pas si simple que ça. Vous avez entendu parler de X et donc d'un certain Elon Musk, que plusieurs journaux ont décliné l'utilisation, dont le Guardian, le premier, je crois, et New York Times également. Bah, Attaque se pose la question de partir ou rester sur X. Et il a fait le choix d'y rester pour le moment, tout en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux alternatifs. Un choix politique mûrement réfléchi, qu'il convient d'expliquer. Les réseaux sociaux, c'est un outil important pour la diffusion de nos idées et l'existence de notre association. C'est une bataille à mener contre l'extrême droite, une bataille d'opinion. Et puis, il n'y a pas vraiment d'alternative à l'heure actuelle. Donc, Attaque dit et assumer ces contradictions qu'impose la société capitaliste et participera à l'organisation de l'après. Voilà, donc ATTAC participe à ces initiatives visant à discuter, renforcer la construction d'alternatives à la hauteur des enjeux, hein, des outils, on sait bien que Florent en connaît sûrement plein, pour chanter les outils de la digère du mainstream, du réseau social mainstream, mais effectivement, ça ne fonctionne pas vraiment facilement. ATTAC aussi s'en prend à l'Empire Bolloré, quelle surprise, du 29 janvier au 2 février, au lendemain des élections législatives, une centaine d'organisations ont lancé un appel à désarmer l'Empire Bolloré. Elles y pointaient la menace grave que représente une telle omnipotence financière et médiatique mise en œuvre au service de la fascisation des esprits, parce que je ne crois pas qu'on puisse parler autrement aujourd'hui. C'est devenu un tel telle force que le mot n'est pas de trop. Donc, il s'agit de construire un ensemble de dispositifs dédiés à la conquête du pouvoir par l'extrême droite. Voilà où on en est. Il y a une campagne nationale aussi. On veut des trains. Soutenons nos cheminots et nos cheminotes. C'est une campagne aussi nationale de l'Alliance écologique et sociale. Qui se bat contre la frette SNCF pour défendre le transport de marchandises par train, contre la privation du TER, si cher à notre président de région, Xavier Bertrand, contre l'abandon du plan d'investissement de la SNCF et de séparation de la SNCF en deux parties. Eh bien, justement, pour organiser le soutien, nous sont proposés distribution de tracts devant la gare de Lille, en lien avec nos partenaires de l'AES ou d'autres partenaires locaux, justement, Didier. Oui, on en vient au local. Donc, il y avait 8 militants d'ATTAC, plus 2 ou 3 de Greenpeace, donc, qui étaient à la gare Lille-Flandre mercredi dernier pour distribuer des tracts. Malheureusement, la grève de la SNCF n'a pas eu l'impact qu'on souhaitait. Mais bon, on était là quand même pour montrer que l'Alliance écologique et sociale existe. C'était déjà pas mal. Ensuite, transport, donc restitution publique du travail de Nastassia, qui était l'étudiante qui a travaillé donc sur les usages de la mobilité. Donc ce sera au Secours populaire le 17 janvier entre 12 et 14 heures avec une collation offerte par le Secours populaire. Prévu mais pas encore conclu, un débat public avec Antoine Jean sur le Mercosur. Donc c'est quand même une affaire, enfin les relations entre l'Union européenne donc et le Mercosur qui le débat aura lieu courant janvier, mais rien, la date n'est pas encore officialisée. Le 29 janvier en revanche, là on connaît la date, ça sera notre ami Éric Boquet, donc spécialiste de l'évasion fiscale et de la dette. Donc là il viendra nous parler de son livre La dette à perpète. Donc ça sera à la librairie Combo à Roubaix, rue Jean-Baptiste Lebas. Le 29, hein, tu dis. Le 29 janvier, oui, à 19h. Et toujours la lutte pour l'Almagar, donc le maire coupe l'électricité carrément aux résidents maintenant, donc la bataille fait rage. Et on aura aussi un débat dans ce cadre-là avec Hugo Boursier, qui est un journaliste de Politis, donc sur les collectifs anti-démolition, aussi bien de l'EPEL que de l'ALMA. Et enfin, ATTAC fait son cinéma, donc ça sera le 6 mars à l'Univers, ce cinéma dont on a beaucoup parlé ces temps-ci pour une autre affaire. Donc ça sera Béziers, l'envers du décor, la charmante ville de monsieur Robert Ménard. Donc vous saurez tout sur les Biterrois et sur Béziers. Ouais, on passe à l'agenda militant, donc pas beaucoup de rendez-vous en cette fin d'année, juste une soirée ce soir en soutien au journal La Brique, que vous devez connaître, programme 18h30, discussion médias, internet, technologie et militantisme, à 19h30 une cantine et puis projection discussion à 20h, et il y aura ensuite des concerts qui commenceront vers 21h-22h. L'entrée et la restauration est à prix libre et en soutien aux artistes et à La Brique. Donc, c'est donc au CCL, aux 4 rues de Colmar à Lille, ce soir, à partir de 18h. Et donc, ça sera tout. Oui, bon, encore un mot quand même, puisqu'on a parlé de médias mainstream. Parlons de médias outstream. Je parle de Elucide, je parle du Média, je parle de Blast. C'est des choses que vous devez connaître, chers auditeurs et auditrices. Il n'y a pas que Radio Campus. Il y a aussi des télés Arrêt sur image aussi. Arrêt sur image, effectivement. On peut en énumérer beaucoup. Mais merci, Florent. Toute la presse pas pareille, comme on disait. Pardon ? Toute la presse pas pareille. Voilà, toute la presse pas pareille, oui, effectivement. Donc, à écouter, à lire et à s'inspirer, parce qu'il y a vraiment des choses excellentes qui sont passées. Ce qui est fou, c'est la richesse de intellectuelle française qui est complètement niée par le mainstream. Et là, j'ai découvert ça récemment, je dois le dire. Et c'est pour ça que j'en parle aussi avec autant d'enthousiasme. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le 18 janvier, sauf erreur. Eh bien... Pour le Mercosur. Pour le Mercosur, et le Mercosur de rien. Oh. Mais... voilà. Merco pas si sûr, d'ailleurs, parce que... Merco pas si sûr, effectivement. Voilà, avec Antoine Jean, bien sûr. Merci, bon week-end, et au janvier, à la nouvelle année.